étudier notre galaxie, la Voie lactée, de l'intérieur, vu que, eh bien, précisément, nous sommes à l'intérieur. Difficile de dessiner une maison depuis l'intérieur de la maison. C'est pourquoi le grand nuage de Magellan est le meilleur ami des astronomes qui étudient les galaxies. Certes, c'est une galaxie beaucoup plus petite, assez différente de la nôtre, mais sa proximité et sa visibilité dans le ciel nocturne de l'hémisphère sud, où il a une taille angulaire plus grande que celle de la Lune, en font un objet d'étude privilégié. C'est aujourd'hui la galaxie qui a été observée par le plus grand nombre de télescopes et dans toutes les longueurs d'onde, à tel point qu'il est évoqué dans le milieu astronomique comme un zoo stellaire. Magellan, la tête dans le grand nuage, c'est le programme galactique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout savoir du grand, mais aussi un peu du petit nuage de Magellan, du couloir qui les relie et de la date prévue de leur collision avec notre Voie lactée, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour tout de suite, on a le temps de voir venir. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Laurent Chemin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur associé d'astronomie au Centre d'astronomie de l'Université d'Antofagasta au Chili. Et Mélanie Chevance, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en astrophysique au Centre d'astronomie de l'Université de Heidelberg. Mais on commence par l'actualité des sciences du jour et du Covid avec Antoine Beauchamp pour le Journal des sciences. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal, Antoine, avec un sujet qui a augmenté la fréquence du rythme cardiaque des physiciens des particules, avec cette découverte réalisée au CERN, une découverte qui pourrait contredire rien moins que le modèle standard de la physique des particules et indiquer une nouvelle, en tout cas la porte d'entrée vers une nouvelle physique. Oui, et c'est grâce à l'expérience LHCb que le monde de la physique retient son souffle. Dans le cadre de cette expérience, les physiciens multiplient depuis plusieurs années les collisions de particules à la recherche, entre autres, de violations du modèle standard. Selon ce modèle, les désintégrations générées par ces collisions qui aboutissent à la création de leptons, les trois types de leptons étant l'électron, le muon et le tau, ne devraient pas privilégier un type de lepton plutôt qu'un autre. Or, les résultats auxquels viennent de parvenir les chercheurs du CERN ne vont pas dans ce sens. Ces résultats fournissent une probabilité d'environ 0,1% que les données recueillies soient compatibles avec les prédictions du modèle standard. Pour les chercheurs responsables de ces travaux, 0,1% de conformité avec le modèle, c'est encore trop. En effet, cette statistique d'incertitude ne leur permet d'atteindre que les 3 sigma, autrement dit le niveau de la preuve, et pas encore les 5 sigma, le niveau de la découverte. Cette faille, si infime soit-elle, est tout de même particulièrement intrigante. Selon le porte-parole du LHCb, si une violation de l'universalité de la saveur des leptons devait être confirmée, cela impliquerait un nouveau processus physique, comme l'existence de nouvelles particules ou interactions fondamentales. Alors ce n'est pas la première fois qu'une telle déviation statistique est constatée. Par exemple, en 2014 ou en 2009, des anomalies de ce type avaient été détectées, mais jugées trop imprécises pour faire trembler le modèle standard. Aujourd'hui, le résultat est suffisant pour parler de fortes présomptions. Les futures sessions de collision au LHC seront déterminantes pour accentuer cet écart statistique et, qui sait, mener à une découverte très attendue. Voilà, et nous aussi on se frotte un peu les mains parce qu'effectivement c'est assez passionnant quand on s'intéresse à la physique des particules. Ça a l'air un peu complexe dit comme ça, mais on vous promet qu'on y revient très très vite pour une émission complète et pour expliquer si bien ce fameux modèle standard tremble et peut trembler un peu, ou s'il faut encore un peu de recherche avant de le mettre bas. Et bien tout cela évidemment, si vous voulez plus d'informations, c'est comme tous les jours sur le fil Twitter de l'émission @lamethodefc. On passe au bref. En bref, on essaie de comprendre les différentes tensions autour du vaccin AstraZeneca encore lui, alors que de nombreuses informations contradictoires ont été publiées entre hier et aujourd'hui. On commence, Antoine, avec des résultats avancés par le laboratoire britannique hier dans un communiqué de presse. Oui, il s'agit, vous le dites Nicolas, d'un communiqué, donc pas encore de résultats complets des essais cliniques de phase 3 réalisés sur 32 449 participants. Selon ce communiqué publié par AstraZeneca, le vaccin est efficace à 100% contre les formes sévères et à 79% pour prévenir les formes symptomatiques de Covid-19 dans la population générale. Toujours selon ce communiqué, il n'existe pas de risque accru de thrombose parmi les participants qui ont reçu au moins une dose du vaccin. Cette annonce intervient alors que l'Agence européenne du médicament a jugé jeudi dernier sûr et efficace le vaccin AstraZeneca et que la vaccination a repris dans certains pays, dont la France. Voilà, problème Antoine, un institut américain questionne ces résultats. Oui, il s'agit de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses qui est en charge aux États-Unis de la supervision des essais cliniques de vaccins. Dans une démarche peu banale, selon le New York Times, l'Institut a publié un communiqué qui met en doute les résultats d'AstraZeneca. Selon cet institut, le laboratoire a pu utiliser, je cite, « une information obsolète lors de cet essai qui peut avoir abouti à une estimation incomplète de l'efficacité du vaccin ». L'Institut américain appelle donc AstraZeneca à utiliser des données plus précises, plus récentes et à rendre public au plus vite ses résultats. Voilà, et toujours dans ce contexte, Antoine, une enquête vient d'être ouverte en France après le décès d'un étudiant nantais de 24 ans dans ce contexte de vaccination. Oui, cet interne en médecine est décédé le 18 mars. Alors, selon une source proche, le rapport d'autopsie évoquerait comme cause du décès une hémorragie interne causée par une thrombose. Le conditionnel invite évidemment à la prudence, d'autant plus que cet étudiant avait été vacciné 10 jours plus tôt avec le vaccin AstraZeneca. Il faudra attendre les résultats de l'investigation clinique menée par les centres régionaux de pharmacovigilance. Et à ce stade, rien ne permet de conclure que le vaccin a joué un rôle dans le décès du jeune homme. Dans son dernier rapport du 19 mars, l'Agence française du médicament a rapporté 4184 cas d'effets indésirables depuis le début de la vaccination avec AstraZeneca. L'ANSM relève par ailleurs 13 cas d'événements thromboemboliques pour plus de 1 041 000 injections. Et en attendant, et pour sortir un peu de cette histoire de Covid et de vaccin, des études, on poursuit avec, toujours dans l'espace, le dernier test très important de la NASA pour son futur programme lunaire. Oui, les moteurs du Space Launch System, la fusée géante qui sera utilisée dans le cadre du programme Artemis de la NASA, ont rugi vendredi dernier pendant 8 minutes sans problème technique. En janvier, l'essai avait dû être interrompu faute de résultats satisfaisants. Cette fois, c'est bon. Rendez-vous pour le premier lancement fin 2021, début 2022. Et bientôt dans la méthode scientifique pour une émission consacrée à ce Space Launch System. Voilà, on va essayer de le dire mieux, ce Space Launch System. Merci beaucoup Antoine et à demain pour le prochain journal des sciences. Allez, mardi espace donc, mentionné pour la première fois par l'astronome perse Abd al-Rahman al-Soufi en 964, également 5 siècles plus tard par Amerigo Vespucci, dans le compte-rendu de son voyage, c'est Magellan qui finalement lui donnera son nom après l'avoir consigné lors de son périple autour de la Terre. Le grand nuage de Magellan, donc, est l'ami des astronomes spécialisés notamment dans l'étude des galaxies. Il est proche, il est visible, il contient de nombreuses régions d'intérêt, comme la nébuleuse de la Tarentule, qui est une pouponnière d'étoiles incroyable. Et ce grand nuage de Magellan nous a même offert un spectacle extrêmement rare en 1987, l'explosion d'une supergéante bleue en supernova, spectacle dont on peut encore aujourd'hui observer les traces et la continuation. Écoutez ce qu'en disait Hubert Reeves en 2006 dans Dialogue du ciel et de la vie. En 1987, une supernova d'une grande brillance optique, 30 millions de fois la luminosité du Soleil, a éclaté dans le grand nuage de Magellan, une petite galaxie située à 170 000 années-lumière de nous. Cet événement a été accompagné d'un puissant jet de neutrinos que nos instruments ont détecté. Les observations combinées de ces particules et de la lumière, photons, nous ont permis d'étudier ce phénomène comme jamais auparavant on avait pu le faire. Voilà, Hubert Reeves à propos de cette supernova, une réaction Laurent Chemin à ce phénomène qui avait le privilège d'être très proche et qui a été particulièrement bien consigné à la fin des années 80. Oui, c'est toujours un avantage d'avoir une galaxie aussi proche, à 150 000 années-lumière, 170 000 années-lumière, avec un disque presque vu de face, donc on peut voir dans les moindres détails tout ce qu'on veut, et notamment être témoin d'une supernova à cette époque-là. Vous l'avez observé cette supernova, vous avez eu l'occasion de la voir, que pas forcément en 87, mais peut-être plus récemment, puisqu'on peut encore, on voit encore aujourd'hui, on continue à voir le souffle, le cercle, enfin elle continue à être observée et étudiée de très près cette supernova. Oui, bien sûr. Mais moi, je suis pas spécialisé dans l'observation et dans l'étude des étoiles à des phases très avancées comme ça. Donc, non, je n'ai pas directement fait des observations ni analysé des observations de SN 1987A. Mélanie Chevance, un mot sur cette supernova et puis sur cette archive en général ou sur le grand nuage de Magellan? Oui, ben c'est vrai que on attend depuis des dizaines d'années de pouvoir observer une supernova dans notre galaxie qu'on pourrait voir en détail. Et on a eu la chance voilà, de voir assez récemment, finalement, on avait déjà des instruments assez développés pour observer en 1987 cette supernova. Finalement, pas trop loin de nous. On va vous mettre des quelques images de cette supernova et puis on y reviendra certainement tout à l'heure. Je me posais une question tout à l'heure puisque ce grand nuage de Magellan a été mentionné pour la première fois en 964 par un astronome perse. Est-ce qu'on sait comment cet astronome perse qui est a priori dans l'hémisphère nord a pu observer le grand nuage de Magellan, Laurent Chemin, qui s'observe dans l'hémisphère sud? Ça dépend à quelle latitude il observait. On peut quand même observer une partie du sud, du ciel observable dans l'hémisphère sud, quand on est à des latitudes assez élevées. Ou peut-être qu'il a, enfin, je connais pas l'historique en fait de cet astronome, mais peut-être qu'il a aussi voyagé. Voilà. Tout simplement. C'est ce que je me suis dit. On va dire. C'est ce que je me suis dit. Mélanie Chevance, vous avez des informations à ce sujet? Non, j'avais pas plus d'observations. Non. Comment il le caractérise d'ailleurs Magellan à l'origine ce grand nuage? Est-ce que on sait, puisque on n'a pas d'idée évidemment de ce que sont les galaxies à l'époque, à quel moment on se rend compte qu'il s'agit en fait d'une galaxie, Laurent Chemin? On s'en rend compte quand on commence à mesurer les distances des étoiles individuelles dans ces galaxies, par exemple par l'intermédiaire des étoiles variables, des RR Lyrae, donc ce sont des étoiles très vieilles, ou alors des céphéides qui peuvent être des étoiles très jeunes, où il y a aussi d'autres méthodes comme des méthodes des binaires à éclipse et qui permettent de mesurer très bien les distances. Et c'est vraiment à partir du début du XXe siècle qu'on peut décidément appeler des objets en dehors de la Voie lactée, extragalactiques. Et le mot d'ailleurs extragalactique est intervenu dans l'article de 1927, il me semble, de Edwin Hubble, quand il étudiait Messier 31, Messier 33, les galaxies d'Andromède et du Triangle, ou NGC 6822. Je pense qu'on peut vraiment dater cet objet-là au début du XXe siècle pour le dire que c'est un objet extragalactique, puisque Magellan, forcément, il avait affaire qu'à ses yeux, à peu de choses près, et il ne pouvait pas se douter qu'une nébuleuse, une nébulosité, une espèce de tache diffuse blanche sur le ciel était en dehors de la Voie lactée. Aujourd'hui, du coup, Magellan a donné son nom à ce grand nuage. Il y a aussi un petit nuage à ce qu'on appelle aujourd'hui des galaxies magellaniques. Qu'est-ce que c'est, Mélanie Chevance, des galaxies magellaniques? Alors, c'est ces petites galaxies. Donc, il y a le grand nuage de Magellan et les petits nuages de Magellan. Et ces deux galaxies, mais il y en a aussi d'autres qu'on appelle des galaxies naines, qui sont satellites de notre Voie lactée. Laurent Chemin, oui? Oui, effectivement, on a la chance d'avoir deux galaxies en face de chez nous, à peu de choses près, et elles ont pu donner un nom à un type spécifique de galaxie. Donc, c'est comme disait Mélanie, ce sont des galaxies naines, et elles ont la particularité d'être spirales. Enfin, en tout cas, surtout le grand nuage de Magellan, on voit très bien que c'est une galaxie spirale avec des bras spiraux internes, externes, très prononcés, une barre d'étoiles en son centre, et du coup, on va dire aussi, depuis le début du XXe siècle, quand avec les plaques photographiques, on peut faire des bonnes photos des galaxies, on peut vraiment bien classifier des galaxies qui ressemblent au nuage de Magellan comme étant des spirales naines, ou des galaxies irrégulières naines, donc des galaxies notamment qui sont très, très importantes parce qu'elles ont de la formation d'étoiles, elles sont un peu bleues, bleutées sur les plaques photographiques, à peu de choses près, quand on fait la photométrie multibande, et elles sont riches en gaz, donc elles forment des étoiles. Ça, c'est vraiment une catégorie spéciale de galaxies, riches en gaz, irrégulières ou spirales, et qui sont vraiment différentes aussi des galaxies sphéroïdales ou elliptiques qui, elles, n'ont plus de gaz du tout et qui font plus du tout de formation d'étoiles. On va discuter, on va parler de ce grand nuage, on va parler aussi un peu du petit nuage, et vous allez voir que ces galaxies galaxie et la nôtre, tout cela forme des systèmes dynamiques assez passionnants qui nous renseignent non seulement sur le passé de notre propre galaxie, mais aussi sur le passé de notre ensemble et de notre groupe local. C'est le thème de notre émission du jour. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous parlons donc des galaxies magellaniques et plus précisément du grand nuage de Magellan en compagnie de Laurent Chemin et de Mélanie Chevance. Peut-être qu'on peut faire simplement, Mélanie Chevance, si vous le voulez bien, une sorte de carte d'identité de ce grand nuage de Magellan. Quelle distance il est? Qu'est-ce qu'on peut en dire pour le décrire dans l'état actuel de nos connaissances? Oui, alors la distance entre nous et le grand nuage de Magellan, c'est à peu près 160 000 années-lumière. Donc c'est la galaxie la plus proche de notre Voie lactée. Et puis sa masse, c'est par contre à peu près un dixième de la masse de notre Voie lactée. Elle contient quand même quelques centaines de milliards d'étoiles et parmi les régions de formation d'étoiles les plus massives que l'on connaisse. Est-ce que c'est en termes d'âge, est-ce que c'est une galaxie qui est plus jeune, plus ancienne que notre Voie lactée? Est-ce qu'on sait la dater ou dater son origine? Alors, pour ce qui est souvent on estime l'âge des galaxies à partir de leur composition chimique. Parce que au fur et à mesure de l'évolution de l'univers, le gaz qui constitue les galaxies va s'enrichir. Au départ, on n'a que de l'hydrogène et de l'hélium. Et petit à petit, au fur et à mesure de la formation d'étoiles, ce gaz va s'enrichir en carbone, en oxygène, en azote, etc. On sait que la composition chimique ou la fraction de ces éléments lourds contenus dans le grand nuage de Magellan est deux fois moins importante que celle contenue dans notre Voie lactée. Donc chimiquement, le nuage de Magellan est bien plus jeune que notre Voie lactée et ça ressemblerait en fait à la composition du gaz qu'on connaît dans des galaxies plus massives mais qui étaient d'actualité, si je puis dire, il y a à peu près 10 milliards d'années. Et puis, on va parler tout à l'heure aussi, vous l'avez mentionné brièvement, de la formation d'étoiles. Le grand nuage de Magellan est une galaxie qui est encore très active sur ce plan-là. Oui, absolument. Donc, on y trouve la nébuleuse de la Tarentule, qui a été déjà mentionnée, qui est une des régions d'étoiles de formation d'étoiles les plus massives que l'on connaisse. Mmh. Et qui, et donc, ces jeunes étoiles sont formés en ce moment, irradient le gaz grâce à leur luminosité très forte sur des dizaines d'années-lumière. C'est dans la nébuleuse de la Tarentule, pour qu'on ait une idée ou en tout cas un ordre de grandeur en termes de création d'étoiles, c'est nettement plus, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus que ce qui se passe dans la Voie lactée, notamment au centre de la Voie lactée. Ce qu'on sait, alors c'est peut-être imbécile comme question de dire combien d'étoiles sont créées par an, parce que ça n'a le référentiel n'a pas beaucoup de sens, mais vous pouvez nous donner un aperçu de ce que ça représente en tout cas? Oui, et puis c'est aussi assez difficile en fait à mesurer parce qu'on ne voit pas les étoiles se former. C'est ça, comme ça, devant la lunette, oui. Voilà, mais on sait que l'amas d'étoiles qui est au cœur de la nébuleuse de la Tarentule contient à peu près 500 000 masses solaires. Oui. Ce qui est effectivement assez, assez considérable. Laurent Chemin, pour compléter cette carte d'identité du grand nuage de Magellan. En fait, j'ai envie de dire que ce n'est pas nécessairement une galaxie jeune, mais j'ai envie de dire plutôt une galaxie moins évoluée que la Voie lactée. Et on a pu faire notamment les chercheurs ont pu faire des études sur l'historique de la formation et de l'évolution par l'intermédiaire de l'historique de la formation stellaire dans le grand nuage de Magellan par des observations photométriques. Et donc, on peut faire des diagrammes couleur-magnitude de dizaines de millions d'étoiles, de ces étoiles dans le nuage de Magellan. Et notamment la couleur, ça nous donne des caractéristiques sur la température des étoiles, donc quel type d'étoile on a à faire, puis la magnitude, forcément la brillance des étoiles. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris à partir de ces observations-là? Donc, ce sont des études qui datent d'il y a à peu près 15 ans. C'est que il y a eu une période initiale de formation d'étoiles intenses, à peu près 1 à 2 milliards d'années après le Big Bang. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une époque suivie de 7 milliards d'années, vraiment relativement calme au niveau formation d'étoiles dans le grand nuage de Magellan, sans événement majeur. C'est un peu comme si la formation d'étoiles avait été supprimée. Et par un hasard ou un mécanisme dont on n'a pas encore donc on n'est pas encore l'origine, il y a 5 milliards d'années, la formation d'étoiles a repris et depuis cet instant-là, depuis 5 milliards d'années, on a des épisodes de formation d'étoiles réguliers avec des pics ou des grands pics ou des petits pics, notamment un à 2 milliards d'années et un autre il y a 100 millions d'années à peu chose près. Mmh. Et quand on fait les études des diagrammes couleur-magnitude des étoiles du grand nuage de Magellan et du petit nuage de Magellan, on s'aperçoit qu'il y a des corrélations justement dans ces étapes où il y a de la formation d'étoiles qui a repris. Et donc c'est pour ça qu'on fait l'hypothèse notamment que ces deux galaxies-là ont interagi il y a bien longtemps ensemble, peut-être il y a 5 milliards d'années. Est-ce que c'est la raison pour laquelle la formation d'étoiles a bien repris dans le grand nuage de Magellan? Et en tout cas, on sait qu'elles ont eu les mêmes phénomènes et elles sont ensemble sur le ciel, elles ont les mêmes vitesses à peu de choses près, les mêmes orbites dans le halo de la Voie lactée. Donc voilà. Et pour compléter une dernière chose aussi, on observe très bien avec ces diagrammes couleur-magnitude, que ce soit par l'intermédiaire du satellite Gaïa de l'Agence spatiale européenne, il y a des étoiles vieilles partout dans le nuage de Magellan, notamment principalement dans la barre stellaire, comme si la barre avait été formée il y a très longtemps dans le grand nuage de Magellan. Il y a des étoiles jeunes aussi dans la barre, il y a des étoiles vieilles dans le disque, à grand rayon galactocentrique dans le nuage, etc., etc. Et la formation d'étoiles, bien sûr, a lieu dans les bras spiraux parce qu'il y a beaucoup de gaz dans ces endroits-là. Mmh. C'est un peu comme si, on en reparlera certainement tout à l'heure, mais c'est un peu comme si il y avait eu certainement une collision, ou en tout cas que le grand nuage de Magellan et le petit nuage se seraient mélangés, donc en augmentant la masse de gaz et d'un seul coup en déclenchant des réactions en chaîne de formation d'étoiles. Ce sont ça les hypothèses, ou peut-être même déjà intégrer d'autres galaxies qui auraient été des plus petites galaxies encore autour de l'une ou l'autre de ces deux galaxies? Absolument, absolument. C'est ce que montrent les simulations numériques faites par des supercalculateurs ou même simplement des calculs d'orbite, donc des calculs analytiques assez simples. On montre que le nuage de Magellan, le grand nuage de Magellan et le petit nuage de Magellan sont liés gravitationnellement depuis au moins 2 milliards d'années. Donc, il y a forcément des interactions gravitationnelles entre les deux. Ils ont été au plus proche à peu près à une dizaine de kiloparsecs. Donc, il y a eu une collision gravitationnelle. En revanche, pour l'événement qui a eu lieu il y a 5 milliards d'années, l'événement majeur qui a fait reprendre la formation d'étoiles, on ne sait pas exactement encore ce que c'est. Est-ce que c'est peut-être une fusion avec une autre petite galaxie, une galaxie naine encore plus petite, ouais. Ou est-ce que c'est aussi l'arrivée du petit nuage de Magellan sur le grand nuage de Magellan et où il a été capturé gravitationnellement par le grand nuage de Magellan? Ça, c'est une bonne question. Et donc, forcément, on imagine très bien que dans les interactions gravitationnelles, comme ce sont des phénomènes très violents, il y a des orbites de gaz qui sont très perturbées, très comprimées, où les orbites, où les nuages de gaz collisionnent les uns avec les autres parce que les orbites sont vraiment comprimées à certains endroits, notamment dans les bras spiraux et le long de la barre des étoiles. Donc, du coup, forcément, qui dit compression dit perturbation gravitationnelle, dit éventuellement effondrement des nuages de gaz et formation de nouvelles étoiles. Ouais. 10 kiloparsecs, pour préciser, c'est 3000 années-lumière, 3200 et quelques, c'est ça. Donc, c'est très, très proche pour des galaxies. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça, juste pour redonner une absolument. Une mesure. On peut continuer à parler un peu de ce grand nuage de Magellan et de leurs liens. Ce qui est intéressant, Mélanie Chevance, entre ces deux galaxies, c'est qu'on a détecté dans les années 60, en 1965, je crois, je parle sous votre contrôle, un lien entre ces deux galaxies qu'on appelle un courant magellanique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, tout à fait. Donc, ce courant magellanique, on a commencé, il me semble, par voir qu'il y avait beaucoup de gaz, en fait, entre ces deux galaxies. Et puis, assez récemment, il me semble, on a aussi détecté qu'il y avait de la formation d'étoiles dans ce courant magellanique. Alors, je suis pas une spécialiste de ce courant magellanique, mais il semblerait qu'il soit dû à une interaction gravitationnelle entre le grand nuage de Magellan et le petit nuage de Magellan. Là encore, la composition chimique de ce gaz peut nous donner des renseignements. Il semblerait qu'il vienne en partie de gaz qui a été pris au petit nuage de Magellan. Et voilà, qui formerait ce pont de gaz entre les deux galaxies. Oui, c'est ça, c'est une sorte de vaste... J'ai lu qu'on pouvait comparer ce courant magellanique à des tourbillons comme ceux que l'on retrouve dans la fumée d'un cigare, Laurent Chemin. Est-ce que l'analogie est correcte? Alors, disons que c'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs courants en fait autour des nuages de Magellan. Donc effectivement, il y a le pont de matière dont Mélanie était en train de parler entre les deux galaxies et on s'aperçoit notamment que ce pont de matière, donc il y a du gaz parce qu'il y a de la formation de nouvelles étoiles, il y a des étoiles vieilles aussi. Donc ce courant, il est assez, ce pont de matière d'étoiles et de gaz est assez ancien et les mesures qui ont été faites par le satellite de l'agence spatiale Gaïa, les mesures astrométriques, ont montré, donc c'est un article qu'on a publié en décembre dernier, que les étoiles vont dans la direction du grand nuage de Magellan en provenance du petit nuage de Magellan, avec une vitesse à peu près 50 km par seconde, entre 50 et 100 km par seconde. Donc c'est-à-dire, on va dire, 180 000 km par heure à 300 000 km par heure. Donc pour qu'on se rende compte, c'est une vitesse qui est très rapide à l'échelle cosmologique. Pas tellement, non? Non, pas nécessairement, non, ça, pas nécessairement. Ça dépend des paramètres d'interaction, d'impact entre les galaxies, quelle est la vitesse relative d'une galaxie par rapport à une autre. Si forcément une galaxie va à plus de 1000 km par seconde, elle va interagir violemment et peut-être qu'elle va continuer son chemin sur son orbite. Et dans ces cas-là, les étoiles qui vont être éjectées de la petite galaxie vers la grande galaxie vont avoir ce mouvement d'ensemble qu'elles avaient initialement, ce mouvement orbital qu'elles avaient, donc elles vont aller très rapidement. Donc forcément, une des vitesses aux alentours de 50 à 100 km par seconde, c'est assez peu élevé. Donc ça montre notamment que ces étoiles-là sont vraiment capturées par le grand nuage de Magellan. Et on le voit très bien dans la forme des orbites, en fait, quand on trace les vecteurs vitesse obtenus par le satellite Gaïa, on voit que ces étoiles s'enroulent autour du disque du grand nuage de Magellan. Et donc là, on parle du pont de matière entre les deux galaxies, mais il y a aussi un énorme courant qui fait plus de 150 degrés, qui est uniquement constitué de gaz, c'est ça qu'on appelle le Magellanic Stream, le courant de Magellan, et c'est ça qui ressemble à ces volutes de fumée dont vous étiez en train de parler tout à l'heure. Parce que quand on fait des simulations, enfin quand les gens font des simulations numériques, ils essaient d'expliquer quelle est l'origine de ces courants de gaz et ils montrent très bien que c'est dû à l'interaction gravitationnelle entre les deux galaxies, mais aussi à l'interaction non gravitationnelle, ce qu'on appelle le balayage par la pression dynamique, du halo de la Voie lactée sur le gaz qui est en provenance des petits et du grand nuage Magellan. C'est comme si la Voie lactée soufflait un peu sur le gaz et forcément ça va créer des structures assez particulières où on a l'impression que ça s'enroule. Et en fait, effectivement, les simulations numériques tentent à montrer que peut-être le petit nuage Magellan tourne autour du grand nuage de Magellan. On discutera tout à l'heure dans la deuxième partie, dans quelques minutes, des interactions avec la Voie lactée, parce qu'il y a effectivement bien tout cela, ces trois galaxies fonctionnent a priori comme un système, et il y a des études assez récentes qui viennent le confirmer, d'ailleurs plutôt dans l'effet des grands nuages de Magellan sur notre Voie lactée que l'inverse. Mais vous allez voir que ça aussi c'est assez passionnant. Peut-être un mot également, Mélanie Chevance, parce que on dit que c'est une galaxie naine, spirale avec une barre, mais pendant très très longtemps, on a pensé que le grand nuage de Magellan était une galaxie, en tout cas était classifié comme galaxie irrégulière. Pourquoi est-ce qu'il a fallu si longtemps pour comprendre qu'il s'agissait d'une galaxie spirale? Et même en tant que galaxie spirale, c'est un peu une question deux en un, c'est une galaxie spirale vraiment très très particulière par rapport à l'image que l'on peut avoir ou se faire des galaxies spirales comme notre Voie lactée. Oui, c'est vrai, je pense que le fait qu'il a été pendant très longtemps classifié comme une galaxie irrégulière vient du fait que si vous regardez une photo du grand nuage de Magellan, c'est pas complètement évident de prime abord qu'il s'agit d'une galaxie spirale. Et je pense que le fait qu'on ait eu depuis quelques dizaines d'années maintenant, mais accès à d'autres longueurs d'onde, pouvoir regarder dans l'infrarouge, dans l'ultraviolet, etc., a permis de détecter effectivement cette barre qui est très prominente dans certaines longueurs d'onde plus que dans d'autres. Et puis également ces débuts de brassiers pyro qui ne sont pas non plus effectivement si prononcés que ça comparé à d'autres galaxies qu'on peut voir proches de nous. Et qu'en est-il du petit nuage? C'est aussi une galaxie similaire, c'est-à-dire une sorte d'embryon de galaxie spirale? Oui, alors là, effectivement, c'est plus difficile dans le petit nuage de Magellan d'identifier une structure spirale bien formée. Il est un peu composé de deux parties finalement, une partie très brillante, le cœur vraiment de la galaxie, et puis une partie plus diffuse. Donc là, je dirais plutôt que c'est quand même proche d'une galaxie irrégulière. Le rangement, on peut inférer que cette irrégularité du petit nuage, ça pourrait être un autre des indices du mélange et de la collision qu'il y a pu avoir au moins il y a quelques dizaines de millions d'années, et certainement peut-être même quelques milliards d'années entre ces deux galaxies. Oui, on peut très bien l'imaginer. Les simulations numériques de collision entre galaxies, une galaxie plus ou moins massive avec une petite galaxie, montrent clairement que la plus petite des galaxies va être perturbée gravitationnellement, son disque va être détruit, etc., va perdre son gaz, etc. Donc la forme très irrégulière du petit nuage de Magellan, pour moi, est vraiment un indicateur flagrant qu'elle est en train de se faire vraiment dépiauter, perturbée par le grand nuage de Magellan. Et si je peux me permettre, en fait, par rapport à votre question juste avant, moi, quand je regarde le nuage de Magellan depuis mon balcon, puisque j'ai la chance d'habiter dans l'hémisphère sud, effectivement, je... Et pas n'importe où, pas vous habitez au Chili, à Antofagasta, à deux pas d'Atacama, enfin dans un endroit rêvé. Exactement. On est jaloux un peu, on vous le dit pas, mais on l'est. à une heure et demie du Very Large Telescope à 3-4 heures de route de Alma, notamment. Et en fait, quand on regarde vers le sud, on voit vraiment cette tache blanche dans le ciel, mais on voit pas une galaxie spirale, comme disait Mélanie. Et c'est pour ça qu'elle a été très longtemps classifiée comme irrégulière. Je vois vraiment clairement la barre d'étoiles et des bouts de bras spiraux qui partent un petit peu de la barre d'étoiles. Mais on ne devine pas du tout une galaxie spirale. Et forcément, quand il y a eu les premières plaques photographiques et les premières photos, là, on a très bien pu voir les densités spirales dues aux régions de formation d'étoiles dans les bras spiraux. Et puis, bien sûr, après, par les mesures beaucoup plus profondes, ou que ce soit en infrarouge ou dans le domaine visible, on voit très bien un disque étendu. Et donc, c'est particulièrement une galaxie, un disque, et c'est pas... C'est une spirale et c'est pas vraiment une irrégulière pour moi. On va continuer à parler de ces deux nuages de Magellan, des courants qui les unissent et des liens et des relations qu'ils entretiennent avec notre propre Voie lactée et de leur futur, puisque bientôt Voie lactée et nuages de Magellan ne feront qu'un. Mais vous inquiétez pas, encore une fois, on a le temps de vous revenir. D'où vient ce flou dans ton regard? Pourquoi ça double dans le miroir? Au fond du reflet, quel est ce corps presque étranger? Il fallait bien se transformer. Transforme. Sans rien trouver. Mais d'où vient ce mal? L'accord tournait sans s'arrêter. Il fallait bien le renverser. Transforme. Souviens-toi comme tu es. t'es libéré. Et ton corps se met à changer. C'est vrai, tu es une montagne de courage. Aujourd'hui tu sors de ta cage. Transforme. Voilà, le très joli titre Transforme de Météo Mirage à 16h35 sur France Culture, comme toujours et encore en soutien à la scène musicale indépendante française et à l'initiative de notre réalisateur Olivier Bétard. Nous parlons du grand nuage de Magellan, du petit nuage de Magellan, du courant de Magellan, bref, des galaxies magellaniques tout au long de cette heure en compagnie de Laurent Chemin qui est professeur associé d'astronomie au Centre d'astronomie de l'Université d'Antofagasta au Chili et Mélanie Chevance qui est chercheuse en astrophysique au Centre d'astronomie de l'Université de Heidelberg. Et nous le disions tout à l'heure, on l'a évoqué rapidement, une étude assez récente a permis de mesurer avec une extrême précision la distance qui nous sépare du grand nuage de Magellan et c'est à cette étude de 2019 que vous vous êtes intéressé, Antoine Beauchamp. Rebonjour. Rebonjour Nicolas. Oui, et pour comprendre les enjeux de ces résultats réalisés dans le cadre du projet Araucaria, je suis allé rencontrer Pierre Carvella, qui est astronome olésia à l'Observatoire de Paris et qui a contribué à cette mesure dont la précision de 1% est inégalée. Grâce à ces travaux, on sait que le grand nuage de Magellan se situe à 162 000 années-lumière de la Voie lactée. Pierre Carvella nous explique comment cette mesure a été réalisée et pourquoi elle a de nombreuses implications dans le domaine de la recherche en astronomie. Araucaria, c'est un grand projet multifacette qui vise à améliorer la mesure des distances extragalactiques dans l'univers, donc des grandes distances, des distances entre les galaxies. Et ceci en combinant toute une gamme de techniques d'observation, de techniques de mesure. Voilà. Quel est votre rôle dans ce projet-là ? Pour mesurer les distances de galaxies, on utilise des étoiles, donc qui sont des outils qui permettent de mesurer ces distances. Pour ce faire, on a besoin de les connaître précisément. Et donc, moi, j'ai contribué à des observations d'étoiles qu'on appelle des céphéides, qui sont justement des étalons de distance très précieux, en utilisant des techniques interférométriques. Voilà. Et puis j'ai aussi utilisé cette même technique interférométrique pour mesurer des étoiles géantes, donc des étoiles, on va dire, normales, mais un peu plus grosses que le Soleil, toujours par interférométrie pour mesurer leur taille angulaire. Et ces mesures-là ont été utilisées pour déterminer la distance du grand nuage de Magellan grâce à des étoiles qu'on appelle des binaires à éclipse. Les étoiles binaires à éclipse, ce sont des étoiles qui se passent l'une devant l'autre mutuellement. Et grâce à ce type d'objet, on a la possibilité d'avoir des mesures extrêmement précises de distance. Alors là, on ne parle pas d'une étude d'un petit nombre d'étoiles. Je crois qu'il y a un nombre très conséquent d'étoiles du grand nuage de Magellan qui ont été étudiées. Pourquoi avoir fait ce choix d'un si grand nombre ? Et puis, à quel résultat ? Vous évoquiez tout à l'heure, la distance a été calculée. À quel résultat vous êtes parvenu concernant cette distance ? Effectivement, l'étude a porté sur un très grand nombre d'étoiles initialement. Plusieurs dizaines de milliers d'étoiles variables ont été observées et mesurées. Et puis, de tout ce grand ensemble de dizaines de milliers d'étoiles, ont été extraites quelques dizaines d'étoiles binaires à éclipse très particulières, très bien sélectionnées, avec grand soin. Et c'est sur ces quelques étoiles sélectionnées qu'on a réalisé les mesures les plus précises de distance jamais faites. On a utilisé l'interférométrie, qui est la technique qui permet de combiner la lumière de plusieurs télescopes entre eux. On a utilisé cette technique pour mesurer la taille angulaire d'un certain nombre d'étoiles géantes qui sont au voisinage du Soleil. Grâce à cette mesure, en fait, on a pu étalonner ce qu'on appelle leur brillance de surface, c'est-à-dire la quantité de lumière qu'elles émettent par unité de surface de l'étoile. Et donc cet étalonnage, on a pu l'appliquer ensuite aux étoiles binaires à éclipse dans le grand nuage de Magellan. Et donc transférer cette précision de mesure très grande qu'on a grâce à l'interférométrie sur les étoiles du voisinage du Soleil, transférer cette précision aux étoiles du grand nuage de Magellan, binaires à éclipse, pour lesquelles on a donc pu obtenir leur distance à 1% près. Alors quels sont les résultats, maintenant qu'on a parlé de ces étoiles-là, quels sont les résultats auxquels vous êtes parvenus concernant la distance du grand nuage de Magellan ? Alors, on a pu établir la distance du grand nuage de Magellan, qui est d'environ 50 000 parsecs. Hein. C'est une unité astronomique assez peu utilisée, mais c'est à peu près 50 000 parsecs, avec une précision meilleure que 1%. Cette précision, elle est très importante, le fait d'avoir 1% de précision, parce que le grand nuage de Magellan rassemble, outre les étoiles que nous avons utilisées, donc des binaires à éclipse, rassemble des céphéides, rassemble des étoiles pulsantes, géantes, de différentes sortes, qui sont elles-mêmes utilisées comme étalons de distance. Donc, en ayant une distance précise à 1% du grand nuage de Magellan, en fait, on étalonne avec une grande précision tout un ensemble d'indicateurs secondaires de distance, et c'est pour ça que cette mesure est particulièrement importante. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu quelles conséquences cette mesure aussi précise peut avoir sur d'autres travaux en astrophysique et en astronomie ? Alors, le nuage de Magellan, il sert de référence pour la mesure des distances d'autres galaxies. C'est un petit peu comme l'unité de mesure, on va dire. Les distances des autres galaxies sont mesurées en nombre de fois la distance du nuage de Magellan, du grand nuage de Magellan. Donc, en ayant mesuré très précisément cette unité, en fait, on a une meilleure précision sur l'ensemble des autres mesures d'autres galaxies. Et ces mesures de galaxies sont très importantes aujourd'hui pour mesurer la constante de Hubble, c'est-à-dire la constante qui détermine la vitesse d'expansion de l'univers. Et cette constante, aujourd'hui, sa valeur est un peu discutée, hein, sa valeur est encore un peu incertaine. Hein, et donc, grâce à cette mesure du grand nuage de Magellan, en fait, on mesure indirectement beaucoup de galaxies et donc le taux d'expansion de l'univers. Voilà, et si vous voulez tout savoir sur la constante de Hubble, c'était notre sujet mardi dernier. On va vous mettre un lien, comme tous les jours, comme à chaque fois, sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Peut-être une réaction simplement à ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre, Mélanie Chevance. Non, c'est vrai que la mesure de distance en astronomie est assez difficile. Et de pouvoir mesurer la distance d'une galaxie à 1% près, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Laurent Chemin ? Oui, c'est une superbe expérience qu'ils ont faite au Very Large Telescope avec le Very Large Telescope Interferometer, et ça permet effectivement de calibrer toutes les autres échelles de distance. Donc ça a des impacts cosmologiques, comme vous le dites, et aussi j'ai envie de dire ça a aussi des impacts pour comprendre la structure ou la géométrie même du disque du nuage de Magellan, puisqu'on peut très bien imaginer que dans un futur proche il va y avoir plusieurs dizaines de milliers d'étoiles comme ça dont on va pouvoir mesurer très bien le diamètre, et donc on va pouvoir savoir exactement quelles sont les étoiles qui sont plus proches de l'observateur, donc nous sur Terre, et les étoiles qui sont un peu plus loin. Donc on va pouvoir éventuellement contraindre d'une manière géométrique indépendante l'inclinaison du disque du nuage de Magellan, par exemple. On va continuer à explorer un peu justement ce nuage de Magellan. Un mot justement avec vous, Mélanie Chevance, sur la nébuleuse de la Tarentule, parce qu'on en a parlé un peu brièvement tout à l'heure, mais qu'est-ce qui est intéressant aujourd'hui dans l'étude de cette nébuleuse, c'est-à-dire de cette pouponnière d'étoiles, et quelles sont les informations que l'on peut obtenir via les étoiles que l'on observe se former et la nature des étoiles qui se forment? Est-ce qu'on sait quelles sont les étoiles qui sont formé dans cette nébuleuse de la Tarentule? Alors, ce à quoi moi je m'intéresse particulièrement, c'est j'essaye de comprendre comment la plupart des étoiles dans l'univers se sont formées et se forment. Et spécifiquement, donc à partir d'observations obtenues par des télescopes, je compare les propriétés du gaz qui sert de combustible à la formation des étoiles avec les propriétés des jeunes étoiles, avec les propriétés du rayonnement, de la lumière émise par ces jeunes étoiles. Et en combinant toutes ces informations, j'essaye de comprendre, bien, par exemple, quelle est la part du gaz dans les galaxies qui va effectivement former des étoiles, quelle est la part du gaz qui va être plus inactive, et comment le rayonnement des étoiles va impacter ce reste du gaz et finalement modifier les conditions pour la formation des futures générations d'étoiles. Et c'est particulièrement intéressant de faire cet exercice dans le grand nuage de Magellan, puisque sa composition chimique rappelle des galaxies qui se situent dans l'univers jeune. Et donc, étudier la formation d'étoiles, étudier la façon dont le rayonnement des étoiles interagit avec le gaz dans le grand nuage de Magellan nous permet de comprendre comment les étoiles se formaient il y a 10 milliards d'années. Et il se trouve que c'est justement à ce moment-là où l'univers était le plus actif à former des étoiles. Mmh. Si on regarde les galaxies maintenant, eh bien, le taux de formation d'étoiles global dans l'univers est assez bas. Et donc on essaie de comprendre pourquoi, à ce moment-là dans l'univers, on avait tant de formation d'étoiles, comment ces étoiles se formaient et comment, dans le futur, on peut expliquer la formation d'étoiles qu'on voit maintenant. Mmh. Laurent Chemin ? Je trouve que ce sont des études vraiment super intéressantes. C'est vraiment très important d'avoir une espèce de laboratoire ou de banc test avec comme le nuage de Magellan, le grand nuage de Magellan, pour pouvoir faire ce genre de mesures par interférométrie radiomillimétrique. J'imagine que Mélanie parle d'observations qu'elle fait avec ALMA ou des radiotélescopes comme ça. Mmh. Oui, Mélanie Chevance. Oui, absolument, c'est ça. On utilise l'interférométrie, donc avec ALMA, mais aussi on essaye de couvrir vraiment toutes les longueurs d'onde du submillimétrique à l'infrarouge, en passant par les lumières visibles, mais également l'ultraviolet. Mm-hmm. Ça permet vraiment de voir le gaz, le combustible des étoiles, les jeunes étoiles, et puis les stades plus avancés des étoiles. Quelles sont aujourd'hui les relations qu'entretiennent donc ce grand nuage de Magellan, dont on connaît grâce à l'étude que l'on vient d'entendre dans le reportage La Distance Précise, avec la Voie Lactée? J'ai lu en préparant cette émission que ces relations étaient sujettes à controverses et qu'il y a des études assez récentes qui viennent essayer justement de préciser un peu tout cela, Laurent Chemin. Alors, controverse, je sais pas, je dirais peut-être. En tout cas, à interprétation différente. Oui. Alors, donc, l'interaction principale que le grand nuage de Magellan a, c'est avec le petit nuage de Magellan. Et la modélisation des mouvements propres, c'est-à-dire des vitesses dans le plan du ciel, le long d'un axe horizontal et d'un axe vertical, montre très bien que on a besoin d'avoir des orbites qui amènent les nuages de Magellan dans la Voie lactée et si vous voulez, le moment où les deux nuages entrent en interaction gravitationnelle avec la Voie lactée a eu lieu il y a à peu près 1 milliard d'années. Mmh. Et la modélisation des orbites, donc si on revient dans le temps, on arrive très bien à comprendre que ces deux galaxies sont, enfin en tout cas le grand nuage de Magellan est au plus proche de la Voie lactée sur son orbite et qui va avoir tendance à partir dans un futur proche. Donc ça, ce sont les mesures, la modélisation des mesures astrométriques qui nous disent ça, et on a besoin d'une qualité exceptionnelle astrométrique, mesurer le mouvement des étoiles dans les nuages de Magellan pour vraiment bien contraindre les orbites des étoiles en direction de la Voie lactée. Donc ça, c'est vraiment l'interaction gravitationnelle avec la Voie lactée. Et donc les deux nuages sont à leur première approche, et là je pense qu'il n'y a quasiment plus de controverse sur ce sujet-là, dans le puits du champ gravitationnel de la Voie lactée, dans le puits de potentiel, on appelle ça comme ça. Et en revanche, il y a aussi une autre interaction qui est d'origine non gravitationnelle, mais plutôt milieu interstellaire versus milieu interstellaire, c'est le halo de gaz chaud de la Voie lactée qui rayonne à quelques millions de degrés Kelvin, qui lui va agir comme un vent, en fait. Il va souffler, puisqu'il est très dense, il va souffler sur le milieu interstellaire ou le gaz dans les nuages de Magellan ou entre les nuages de Magellan. Et donc plus les nuages de Magellan viennent vite dans le halo de la Voie lactée, plus le soufflage par cette qu'on appelle la pression dynamique va être important. Donc il y a deux types d'interactions. Une interaction gravitationnelle qui va affecter principalement la distribution des étoiles et aussi la distribution de gaz, et une interaction non gravitationnelle, plutôt hydrodynamique, le balayage par la pression dynamique, qui elle va interagir sur le milieu interstellaire des nuages de Magellan. Il y a une étude de novembre dernier qui rend en fait le grand nuage de Magellan responsable d'une distorsion de l'épaisseur du disque de la Voie lactée. Mélanie Chevance, vous avez connaissance de cette étude et qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, vaguement, je vais dire, mais effectivement, comme le disait Laurent Chemin, il y a une interaction gravitationnelle entre le système petit nuage de Magellan, grand nuage de Magellan et la Voie lactée. Peut-être une des controverses ou un des débats qu'il y a encore, c'est sur la masse exacte à la fois de la Voie lactée et du grand nuage de Magellan. Avoir les masses exactes de ces deux galaxies nous donnerait une idée plus précise de ce qui pourrait arriver dans le futur. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'effectivement, il y a cette interaction gravitationnelle qui est assez forte et qui a un impact à la fois sur le disque de notre galaxie, mais aussi sur les orbites des amas globulaires qui se situent dans le halo de notre galaxie, et puis probablement sur le halo de matière noire lui-même. Laurent Chemin ? Oui, il a été vraiment montré, notamment à partir de la deuxième version des données de Gaïa qui est sortie en 2018. Donc c'est des études de 2019 qui montrent que 2019-2020 qui montrent que le grand nuage de Magellan a vraiment une influence gravitationnelle sur le mouvement des galaxies naines sphéroïdales qui sont dans le halo de la Voie lactée, donc probablement aussi sur les amas globulaires comme le disait Mélanie, mais aussi sur les courants de matière, donc les courants stellaires qu'on trouve dans le halo de la Voie lactée. Donc notamment sur le courant d'Orphan qui fait plus de 200 degrés sur le ciel, la mesure de la distribution des étoiles dans ce courant d'étoiles Orphan, donc orphelin, et la comparaison avec les vecteurs vitesse mesurés par le satellite Gaïa, donc les mouvements propres, donc les orbites des étoiles, montre que, en gros, le vecteur de vitesse est perpendiculaire à un certain endroit dans le courant d'Orphan, est perpendiculaire à l'orbite de ce courant, est perpendiculaire à la traînée que ça peut faire sur le ciel. Et pour faire ça, ils ont besoin d'en faire interagir une galaxie de masse totale de l'ordre de 100 milliards de masses stellaires, donc 10 puissance 11 masse solaire, la masse du Soleil. Et comme ça correspond exactement à l'endroit où il y a le grand nuage de Magellan, il y a des bonne signature que le nuage de Magellan interagit gravitationnellement avec le halo de la Voie lactée, le disque bien sûr de la Voie lactée, mais aussi perturbe le mouvement des petites galaxies naines sphéroïdales et des courants de marée dans le halo de la Voie lactée. Donc en fait, il y a des interactions gravitationnelles à foison entre le nuage, le grand et le petit, la Voie lactée et les nuages de Magellan, et le grand nuage de Magellan, principalement, puisque c'est lui le plus massif des deux nuages de Magellan, avec les autres galaxies. Donc c'est des problèmes à N-Core. Oui, c'est ça. Donc ça commence à devenir compliqué à modéliser. Peut-être une question, si on se projette pour conclure dans le futur. Normalement, là aussi ça a été contesté, mais a priori aujourd'hui il y a consensus sur le fait que d'ici environ 2 milliards d'années, le grand nuage de Magellan va rentrer en collision. Alors en collision, ça fait toujours spectaculaire, mais en fait va finalement fusionner en quelque sorte avec la Voie lactée. Est-ce que ça aussi c'est établi? Est-ce qu'on est sûr que ça se passera bien dans 2 milliards d'années, alors que pour le moment, a priori, le grand nuage de Magellan est plutôt en train de s'éloigner de nous? Ça veut dire qu'il va faire volte-face ou qu'il va revenir vers nous? Que disent les modèles en fait à ce propos, Laurent Chemin? Je dirais peut-être pas que 2 milliards d'années, c'est la date prévue pour se faire manger par la Voie lactée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec les données du satellite Gaïa qui vont s'améliorer au fil du temps, parce qu'il y a encore deux versions de données qui vont être données, donc on va avoir des mesures astrométriques ultra précises. Et là, les gens qui font des simulations numériques de collisions de galaxies vont s'en donner à cœur joie pour essayer de contraindre très précisément l'orbite d'approche du nuage de Magellan. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait à peu près un milliard d'années qu'il était entré dans le champ gravitationnel de la Voie lactée. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment le début de l'interaction gravitationnelle. Et on peut aussi donc regarder dans le futur, quand on extrapole, on fait passer le temps, on fait couler le temps pour voir ce qui va se passer dans le futur, on pourra voir, dépendamment de la masse totale de la Voie lactée, dépendamment de la masse totale du grand nuage de Magellan et de leur évolution en fonction du temps, si celui-ci va revenir ou bien s'il est sur une orbite très excentrique et peut-être repartira à jamais. Donc sur la fusion dans 2 milliards d'années, moi je ne m'avancerai pas nécessairement sur cette date, à vous dire. Mais Mélanie Chevance, est-ce que vous seriez plus catégorique ou au contraire est-ce que vous pensez qu'il faut prendre avec des pincettes aussi cette indication d'une fusion dans 2 milliards d'années? Oui, je suis d'accord aussi sur le fait qu'il faut être un peu prudent Là-dessus, c'est un système assez complexe. On a le grand nuage de Magellan, le petit nuage de Magellan, mais il y a aussi la galaxie d'Andromède qui elle aussi est supposée rentrer en collision avec notre Voie lactée, alors dans plus longtemps, plutôt 5 à 6 milliards d'années. Mais le fait est qu'elle va se rapprocher, et donc il y a un scénario dans lequel, cette interaction avec la galaxie d'Andromède va aussi potentiellement éjecter aussi le grand nuage de Magellan. On avait d'ailleurs consacré une émission entière à la galaxie d'Andromède et à cette question éventuelle de la future fusion, et là aussi avec beaucoup de points d'interrogation. Quels sont les grands points d'interrogation qui restent aujourd'hui, Mélanie Chevance? Qu'est-ce qu'on a besoin, ou quelles sont les études en cours qui doivent nous permettre de compléter cette connaissance du grand nuage de Magellan? Alors, je pense qu'un des points qu'on vient d'aborder, c'est effectivement la masse exacte du grand nuage de Magellan. De façon assez générale, l'étude de la matière noire grâce à ces galaxies naines, justement, puisque la matière noire est prédominante, ou en tout cas est très importante dans les galaxies naines, c'est quelque chose, je pense, qui demande à être étudié plus en profondeur encore. Laurent Chemin ? Oui, là, il y a vraiment plein de choses à faire encore dans le futur avec l'analyse des données, quoi. Par exemple, une des questions importantes, c'est est-ce qu'on peut trouver des étoiles dans le Magellanic Stream ? Donc, le Magellanic Stream, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment que du gaz neutre, du gaz H1 qu'on observe à 21 cm de longueur d'onde, et on n'a encore jamais détecté d'étoiles dans le Magellanic Stream. On en a trouvé dans une toute petite partie du Magellanic Stream qui s'appelle le bras en avant, le leading arm, celui qui est entre la Voie lactée et les nuages de Magellan, un peu de choses près. Mais sur 150 degrés, on ne voit que du gaz, on n'observe aucune étoile. Donc ça va être les relevés photométriques futurs à venir, que ce soit avec le Extremely Large Telescope, donc le télescope de 40 mètres qui va être installé dans le désert d'Atacama. On va pouvoir détecter des étoiles probablement très très faibles qui appartiennent à ce courant de gaz. Aussi, on peut bien sûr dans le futur tester très précisément le modèle Cold Dark Matter, le modèle cosmologique standard, par la modélisation de la distribution de matière, de la courbe de rotation dans le nuage de Magellan, etc. Donc il y a encore vraiment plein de choses à faire. Et un dernier mot très très rapidement, Laurent Chemin, si on veut observer le grand nuage de Magellan, puisqu'on le voit à l'œil nu, apparaître dans l'hémisphère sud, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut regarder les sites web comme de l'ESO, l'Observatoire européen austral, qui donne des magnifiques images de cette galaxie. Très bien, merci beaucoup Laurent Chemin et Mélanie Chevance d'être venus nous parler de ce grand nuage de Magellan. Je vous signale et je vous le redis que France Culture a lancé un appel à projet pour des podcasts si vous êtes professeur de l'enseignement secondaire ou du supérieur et que vous avez profité du premier, du deuxième et maintenant du troisième confinement pour faire des podcasts à l'adresse de vos étudiants. Vous allez pouvoir peut-être être sélectionné dans différentes matières, notamment en sciences du vivant ou en mathématiques, pour être diffusé sur la plateforme de France Culture. On vous met le lien pour participer à cet appel à projet sur notre fil Twitter @laméthodefc. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. C'était Jacques Azubert, aujourd'hui à la technique. Demain, retour sur Terre, on va parler d'un autre courant, un phénomène qui rend le climat de notre pays et de la côte ouest européenne notamment plus clément et moins extrême que celui de l'autre côté de l'Atlantique. C'est le Gulf Stream problème. Le réchauffement climatique menace de le voir diminuer, voire disparaître. On vous dit tout demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire. France Culture. L'esprit d'ouverture.